Jiddu Krishnamurti. Sur la vraie simplicité. Je voudrais examiner ce qu'est la simplicité, et peut-être de là, arriver à la découverte de la sensibilité. Nous avons l'air de croire que la simplicité n'est qu'une expression extérieure, un retrait du monde, avoir peu de possessions, se vêtir d'un pagne, ne pas avoir de foyer, ne posséder qu'un très petit compte en banque. Mais tout cela n'est pas de la simplicité. Ce n'est qu'une représentation publique. Il me semble que la simplicité est essentielle, mais elle ne peut exister que lorsque nous commençons à comprendre le sens de la connaissance de soi. La simplicité ne consiste pas à s'adapter à telle ou telle façon de vivre, quelque valable qu'elle puisse être. Elle exige au contraire beaucoup d'intelligence. Malheureusement, nous commençons en général par la simplicité extérieure, se rapportant à des objets. Il est relativement facile d'avoir peu de possessions et de s'en satisfaire, d'être content de peu et même de partager ce peu. Mais cette expression extérieure de la simplicité ne s'accompagne pas nécessairement d'une simplicité intérieure. Le monde moderne nous offre avec beaucoup d'insistance des objets de plus en plus nombreux. La vie devient de plus en plus complexe. Afin d'échapper à cela, nous essayons de renoncer au monde, de nous détacher de ses objets, de ses maisons, de ses organisations, de ses cinémas, bref, de ces contingences que l'on cherche à nous imposer. Nous pensons ainsi trouver la simplicité. Des saints, des sages ont renoncé au monde. Mais il me semble qu'un tel renoncement, pratiqué par l'un quelconque d'entre nous, ne résoudrait pas le problème. La simplicité fondamentale, réelle, ne peut naître que de l'intérieur, et de là se produit l'expression extérieure. Comment être simple est donc le problème? Car la simplicité nous rend de plus en plus sensibles. Un esprit sensitif, un cœur sensitif, est essentiel, car il est alors susceptible de perception rapide. Il est évident que l'on ne peut être simple intérieurement que par la perception des innombrables fardeaux, attachements et craintes dans lesquels nous sommes empêtrés. Mais la plupart d'entre nous éprouvent de la satisfaction à être prisonniers de gens, de possessions, d'idées. Nous aimons être des prisonniers. Intérieurement, nous sommes des prisonniers, même si nous paraissons simples extérieurement. Nous sommes les prisonniers de nos désirs, de nos besoins, de nos idéologies, de nos innombrables mobiles. La simplicité ne peut être trouvée qu'en nous libérant intérieurement. Il se produit une extraordinaire liberté lorsqu'on comprend tout le processus de la croyance et pourquoi l'esprit est attaché à ces croyances. La simplicité est le fruit de notre affranchissement. Mais cette simplicité exige de l'intelligence, et être intelligent, c'est être conscient de ses entraves. Pour en être conscient, l'on doit être constamment en état d'observation, ne pas être établi dans une façon particulière de vivre, de penser, d'agir. Ce que l'on est intérieurement affecte le monde extérieur. La société, ou toute forme d'action, est la projection de nous-mêmes. Et si nous ne nous transformons pas intérieurement, les législations ont très peu d'effet. Elles peuvent amener certaines réformes, mais le monde intérieur vaincra toujours l'extérieur. Si, intérieurement, nous sommes avides, ambitieux, à la poursuite d'un idéal, cette complexité bouleversera, renversera la société la mieux ordonnée. Donc, l'on doit commencer intérieurement, mais sans exclure, sans rejeter l'extérieur. Au contraire, il faut comprendre celui-ci, voir comment y existent des conflits, des luttes, des souffrances. Et, au fur et à mesure que l'on avance dans ces explorations, on en arrive naturellement à examiner les états psychologiques qui produisent ce chaos. L'expression extérieure n'est que l'indication d'un état intérieur, mais celui-ci, pour être compris, doit être abordé par l'extérieur. Nous faisons presque tous cela, d'ailleurs. En comprenant le monde extérieur pour parvenir ensuite à un examen de notre monde intérieur et de ses associations avec le premier, nous découvrons les complexités de notre être et devenons ainsi de plus en plus sensitifs. Libre. C'est cette simplicité intérieure qui est si essentielle, car elle développe la sensibilité. Un esprit qui n'est pas vif, lucide, sensitif, n'est pas réceptif, n'est pas capable de créer. Nous conformer à telle ou telle façon de vivre, en vue d'atteindre la simplicité, c'est, en réalité, émousser, insensibiliser nos esprits et nos cœurs. Toute forme de contrainte, qu'elle soit imposée par la société ou par nous-mêmes ou par un idéal quelconque, toute conformité adoptée nous insensibilise, nous empêche d'être simples intérieurement. Vous pouvez vous conformer à certains signes extérieurs de simplicité, ainsi que le font tant de personnes dévotes. Elle se livre à des disciplines, adhère à des groupements, médite d'une façon spéciale et donne toute l'apparence de la simplicité. Mais aucune contrainte d'aucune sorte ne nous conduit à la simplicité. Au contraire, plus vous vous dominez, plus vous provoquez de transferts et de sublimations, moins il y a de simplicité. Mais plus vous comprenez ce processus de sublimation, de refoulements et de transferts, plus vous avez de chances d'être simple. Nos problèmes, qu'ils soient sociaux, politiques, religieux, sont si complexes que nous ne pouvons les résoudre qu'en étant simples, non en devenant extraordinairement érudits et habiles. Une personne simple voit bien plus directement, à une expérience plus immédiate qu'une personne complexe. Nos esprits sont si encombrés de ce que tant de personnes ont dit et de la connaissance de tant de faits que nous sommes devenus incapables d'être simples et d'avoir des expériences directes. Tous nos problèmes ont besoin d'être abordés d'une façon neuve et pour cela, il nous faut être vraiment simples intérieurement. Cette simplicité ne vient qu'avec la connaissance de soi, qui consiste à nous comprendre tel que nous agissons avec nos façons de penser et de sentir, avec les mouvements de notre pensée et nos réactions, avec notre peur qui nous pousse à nous conformer à l'opinion publique, à ce que l'on dit, à ce que le Bouddha, le Christ, les saints ont enseigné. Bref, avec tout ce qui indique que notre nature est de trouver un abri, une sécurité. Et lorsqu'on est à la recherche d'une sécurité, c'est que l'on est manifestement dans un état de crainte, lequel exclut la simplicité. Si l'on n'est pas simple, on ne peut pas être sensitif, sensible aux arbres, aux oiseaux, aux montagnes, au vent, à tout ce qui se meut autour de nous dans le monde. Si l'on n'est pas simple, on ne peut pas être sensible aux signes intérieurs des choses. Nous vivons si superficiellement, aux niveaux extérieurs de notre conscience. Là, nous essayons d'être réfléchis ou intelligents, ce qui pour nous est synonyme de religieux. Nous essayons de rendre nos esprits simples par la contrainte et la discipline. Mais la simplicité n'est pas cela. lorsque nous contraignons à la simplicité cette partie de notre esprit qui est à fleur de conscience, nous ne faisons que le durcir. Nous ne le rendons pas souple, clair, vif. Être simple dans le processus total de notre conscience est extrêmement ardu, car nous ne devons laisser subsister aucune réserve intérieure. Nous devons donc être mus par une impulsion irrésistible à connaître jusqu'au tréfonds le processus de notre être. Ce qui veut dire être éveillés à chaque appel intérieur, à chaque murmure, à nos craintes, à nos espoirs, et y pénétrer et en être libre, de plus en plus. Ce n'est qu'alors, lorsque l'esprit et le cœur sont réellement simples, non cristallisés, que nous pouvons résoudre les nombreux problèmes qui se dressent devant nous. Les connaissances ne résoudront pas nos problèmes. Il se peut, par exemple, que vous sachiez que la réincarnation existe, qu'il y a une continuité après la mort. Il se pourrait que vous le sachiez. Je ne dis pas que vous le savez, ou peut-être en êtes-vous convaincu. Mais cela ne résout pas le problème. La mort ne peut pas être classée à la suite de vos explications, de vos informations ou de vos convictions. Elle est bien plus mystérieuse, plus profonde, plus créatrice que cela. L'on doit être capable de réexaminer toutes ces choses avec un esprit neuf. Car ce n'est que par expérience directe que nos problèmes seront résolus. Et l'expérience directe ne se produit que s'il y a simplicité, donc sensibilité. Le poids des connaissances émousse l'esprit. Le passé et le futur émoussent l'esprit. Seul l'esprit capable de s'ajuster au présent continuellement, d'instant en instant, peut affronter les puissantes influences et les pressions que notre milieu exerce constamment sur nous. Ainsi, l'homme religieux n'est pas, en vérité, celui qui se revêt d'un froc ou d'un pagne, qui ne fait qu'un repas par jour ou qui a prononcé d'innombrables vœux pour être ceci ou ne pas être cela, mais c'est celui qui est intérieurement simple, qui n'est pas en train de devenir quelque chose. Un tel esprit est extraordinairement réceptif parce qu'il n'y a plus de barrière, plus de peur en lui. Il n'y a plus d'acheminement vers quelque chose. Il est par conséquent capable de recevoir la grâce, Dieu, la vérité. Nommez cela à votre guise. Mais l'esprit qui poursuit le réel n'est pas un esprit simple. Celui qui cherche, qui est à la recherche, qui tâtonne, qui s'agite, n'est pas un esprit simple. Celui qui se conforme à un modèle établi par une autorité extérieure ou intérieure ne peut pas être sensitif. Et ce n'est que lorsqu'un esprit est réellement vif, conscient de tout ce qui se passe en lui, de ses réactions, de ses pensées, lorsqu'il n'est plus dans un devenir, lorsqu'il n'agit pas sur lui-même afin d'être quelque chose, qu'il est capable de recevoir ce qui est la vérité. Alors le bonheur peut exister, car le bonheur n'est pas une fin, c'est le résultat de la réalité. Lorsque nos esprits et nos cœurs seront devenus simples, donc sensitifs, sans contrainte et sans aucune indication de direction, nous verrons que nos problèmes pourront être abordés très simplement, d'une façon directe et neuve, quelle que soit leur complexité. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Il a besoin d'hommes neufs, capables d'aborder cette confusion, ce chaos, d'une façon directe et créatrice, non avec des théories et des formules, de gauche ou de droite. Et vous ne serez jamais ces hommes neufs si vous n'êtes pas simple. Un problème ne peut être résolu que si nous l'abordons de cette façon-là, et non selon des façons de voir, religieuses, politiques ou autres, dont nous nous libérerons au contraire si nous voulons être simples. Voilà pourquoi il est si important d'être lucide en ce qui nous concerne, d'avoir la capacité de comprendre le processus de notre pensée et de nous percevoir tels que nous sommes, dans notre totalité. Cette perception engendre une simplicité qui est ni une vertu ni une pratique. Une humilité obtenue cesse d'être humilité. L'esprit qui se rend humble n'est plus un esprit humble. Ce n'est que lorsqu'on a une humilité non cultivée que l'on est capable d'aborder les choses si pressantes de la vie. Parce qu'alors, n'étant pas une personne importante, on ne regarde pas les choses à travers le poids et le sentiment d'importance qu'autrement on s'attribuerait. On regarde le problème lui-même, donc on est capable de le résoudre.